Autre cassette des discours hors conférence de Daniel Kemp. Nous allons aborder un sujet fort intéressant et fort controversé, l'imagination. Bonjour Daniel. Salut Mario. L'imagination, c'est une chose qui est présente avec l'humanité, avec l'homme depuis l'âge des cavernes. On imaginait des dieux, des forces, enfin, je crois qu'il y a à peu près rien que l'homme n'a pas encore imaginé. Qu'est-ce que c'est que ce courant, cette imagination? Bon, l'imagination, c'est pas un courant. C'est une forme d'interprétation de l'énergie. L'imagination, c'est quoi? Si tu essaies d'y réfléchir, tu vas te rapprocher de l'imagination. J'ai déjà dit que la connaissance, on pourrait parler de connaissance, ressemblait à un cours d'eau. La vérité, la réalité ressemblait à un cours d'eau, à une source souterraine qui jaillit à l'extérieur de la Terre. Et puis, si l'eau de la source pourrit, l'homme peut pas en connaître la cause, étant donné que la source vient de sous la Terre, et puis la cause reste inconnue. Alors, l'imagination crée ce que les yeux ne peuvent contempler. L'imagination, c'est un mécanisme d'apprentissage, un mécanisme d'expérience, un mécanisme expérimental que l'homme se sert pour combler le déficit qu'ont ses sens de pouvoir capter ou copier une réalité. Ça peut être une définition sommaire de l'imagination. Mais quand on dit, je crois que ça avec, c'est tiré de ton premier livre, « Départ pour le début du monde en vol », ouais. Imaginez la réalité. L'homme peut imaginer des choses qui n'existent pas. De toute façon, dans l'imagination, tout ce qui peut naître, tout ce qui peut vivre, sont illusoires, ne sont pas réalité. Et puis, l'homme peut imaginer, par exemple, que sa femme rentre, ou la femme peut imaginer que son mari rentre pendant qu'elle écoute la télévision. Et ça peut être faux. Un des mécanismes utiles à l'imagination, c'est d'imaginer un semblant de réalité présente. Autrement dit, au lieu d'imaginer que on a un accident avec notre auto, et puis que l'accident arrive pas, ou qu'on n'en a pas et qu'on a un accident, alors on s'efforce à un moment donné, par l'apprentissage de différents mécanismes, on s'efforce d'imaginer ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on n'a pas d'accident et on n'en a pas, on imagine qu'on a un accident et on en a un. Certaines personnes disent que, bon, faut pas penser à telle chose parce que ça l'attire. Ça, c'est imaginer des choses illusoires qui n'ont aucun rapport avec une réalité prescience et puis qui, à un moment donné, vont quand même s'avérer vraies. On peut donc dire que l'homme a été chanceux d'imaginer une chose qui est arrivée. La personne qui dit « pense pas à ça, ça va arriver si tu y penses trop », si ce serait si simple de se servir d'imagination, ben, toutes les fois qu'on pense qu'on va gagner à la loterie, on gagnerait. L'homme dit ça seulement quand la personne pense à quelque chose de négatif. Alors, c'est une forme de peur. Peur qui est liée à l'incompréhension et peur qui est quand même liée à une imagination du destin de l'homme. L'imagination, c'est un mélange d'expériences mémorielles, d'expériences astralisées, qui essaient de prendre la relève sur la captation qu'a l'essence de la réalité. Mais par certains côtés, l'imagination semble être aussi créative. Automatiquement. La créativité, on en a déjà parlé. Tout ce qui peut se passer dans l'univers comme transformation est automatiquement créatif. Il n'y a pas de chose destructive. La destruction, c'est simplement vu à partir de concepts qu'a l'homme. Mais les choses sont toutes créatives. Les guerres ont été créatrices pour l'homme. Et puis, les temps de paix aussi. Alors, l'imagination est de toute façon créatrice. Si elle amène pas un contact à la longue avec une réalité, avec la réalité, elle amène de toute façon l'homme à comprendre que l'imagination est illusion. C'est toujours créatif. L'imagination a, si j'ai bien compris, comme bassin, la mémoire. Oui. Est-il possible d'imaginer quelque chose qui n'est pas mémoriel? Non. L'homme qui imagine, c'est un homme qui se sert de sa mémoire. Maintenant, l'imagination peut être contrôlée par les formes astrales, donc par la forme psychologique de l'homme. Si l'homme a des tendances à vouloir haïr, a des tendances à craindre ou à aimer une chose en particulier, l'homme peut imaginer cette chose-là. Alors, là, on peut dire que l'astral manipule l'homme, c'est-à-dire que l'astral suscite en lui une forme de pensée qu'on appelle imagination. Une imagination qui est non intelligente, une imagination qui est banale, qui est émotive. Par contre, toujours en venant de la mémoire, si l'intellect de l'homme, si son corps mental, sa possibilité mentale, se sert des expériences mémorisées, se sert des expériences accumulées, donc se sert de la mémoire astrale de l'homme, pour donner un support à une énergie créatrice qui peut passer dans lui quand l'homme est un canal. Là, l'imagination, par exemple, là, vous pouvez imaginer un nouvel objet qui peut amener l'homme à plus de confort ou à plus de sécurité ou encore amener l'homme à plus de compréhension. Et cet objet... De cette façon-là, on imagine une chose, mais la chose est imaginée par le contrôle qu'a l'intellect sur la mémoire. Cet objet-là existe quand même quelque part dans la mémoire. Il existe dans la mémoire à l'instant même où il est imaginé. C'est-à-dire que la mémoire amène des possibilités de transformation et puis à la psychologie de l'homme. Et puis, si l'intellect ou si l'astral, donc la psychologie de l'homme, s'en empare, il peut, en les cuisinant, il peut, en les mélangeant, transformer le contenu primaire de la mémoire pour en faire une nouvelle chose. C'est le processus de l'imagination. Alors, automatiquement qu'il est créé, il est mémorisé. Automatiquement qu'il est mémorisé, il appartient à l'astral. Cette mémoire augmente, donc, par de nouvelles formes, par de nouvelles idées, nouvelles imaginations, nouvelles créations. Oui. La mémoire de l'homme est en contact avec la mémoire de toute la planète. Donc, la mémoire de l'homme est en contact avec sa mémoire génétique. Et autant qu'il y a d'individus pour mélanger le code mémoriel de la planète, autant la mémoire ou l'astral de la planète augmente quotidiennement. C'est normal. Toi, tu vis des expériences. Ils sont captés par tes sens, sont intellectualisés, c'est-à-dire qu'à l'instant même où ils sont mémorisés, ils sont déjà traités par ton corps mental. Et automatiquement, en plus de mémoriser l'expérience que tu as vécue, l'expérience que tu as perçue par tes sens, tu mémorises aussi l'interprétation intellectuelle ou émotive que tu fais de cette perception-là. Ce qui fait qu'à la longue, la mémoire d'un événement se déforme continuellement et de plus en plus. C'est normal. Et devient un nouvel événement dans la mémoire. Oui. L'homme accepte de croire à sa mémoire du passé, mais l'homme peut s'imaginer un passé autant qu'il peut s'imaginer un avenir. Alors, de toute manière, le passé qu'a l'homme dans sa mémoire, le passé qu'a l'homme de lui-même, c'est un passé qui est de toute façon faux, parce que premièrement, ça reste astral, ça reste mémoriel, c'est comme une cassette enregistrée. La cassette parle quand on la met dans un appareil, mais celui qui parle sur la cassette n'est pas dans la cassette. La cassette n'est qu'une mémoire d'un événement qui a été réel, l'événement qui, comme dans l'astral, comme dans la mémoire de l'homme, est enregistré au fur et à mesure de la réalité même de cet événement-là. Alors, ce qui fait que, à la longue, il y a transformation, il y a déformation, et puis, ce que l'homme se rappelle avoir vécu n'est jamais ce que l'homme a vécu. N'empêche que sur la cassette, il y a une réalité que cette voix-là est inscrite d'une certaine façon, d'une façon oui. magnétique. Exactement. Elle est réellement là, cette voix-là. Comme la mémoire de l'homme, à l'instant même où l'homme s'en sert, est réelle, sauf que ce qui est mémorisé n'est pas réel. Une grande différence entre l'action de se souvenir de quelque chose et l'objet qu'on se souvient. Un est réel, l'action même. Une action toujours réelle. Le souvenir d'une action n'est pas réel. L'action de s'en souvenir est réelle. Je sais pas si tu vois la différence entre un et l'autre. Comme la musique sur la cassette. Quand on Exactement. L'entend, elle est réelle. C'est-à-dire aussi réel que l'orchestre qu'on a enregistré. Oui, excepté que ce n'est pas l'orchestre. Exactement. Alors, si je me rappelle d'un cheval, le temps où je me remémore le cheval est réel. Le cheval dans ma mémoire, le cheval dans ma conscience mémorielle n'est pas là. Lui n'est pas réel. Alors, ce qui est astral est toujours illusion. Mais le mécanisme ou encore l'action de se servir de l'astral ou l'action d'être manipulé par les formes astrales, ça, c'est une réalité. Mais l'astral qui manipule, elle, est illusion. Si on revient à l'imagination, Imaginer une chose et la rendre réelle. De même façon que la cassette n'est pas l'orchestre, mais est quand même réelle, est-ce que la chose qu'on peut imaginer peut être concrétisée d'une façon réelle? Ben oui. Sur notre plan. Ah, c'est évident. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que si la force ou la forme d'énergie mentale de l'homme se sert de sa mémoire, se sert de son expérience pour imaginer quelque chose de nouveau en termes de mémoire de l'homme, de l'individu même, alors automatiquement, la force d'énergie, l'énergie créatrice qui traverse le canal de l'homme, à l'instant où l'intellect s'empare de sa mémoire pour imaginer, l'imagination même peut devenir une chose concrète, soit en psychologie, soit intellectuellement parlant, soit en parole, soit directement dans la matière, par la fabrication d'un objet, par la fabrication, l'écriture d'un livre. Alors automatiquement, une chose imaginée d'une façon intelligente peut et même normalement doit devenir concrète, c'est-à-dire qu'elle va se matérialiser d'une façon quelconque. Alors, ce qu'on imagine peut et même normalement devrait, s'il n'y a pas de limite, de blocage à l'intérieur de l'homme, devrait devenir une chose concrète pour l'homme. On n'imagine pas juste pour le fun. On imagine, si on est contrôlé par l'astral, c'est-à-dire que si c'est notre psychologie, nos émotions, qui s'efforce d'imaginer à l'intérieur de notre conscience, ben là, évidemment, on est manipulé de A à Z, et puis les choses vont se matérialiser d'une façon habituellement émotive. Alors là, on est perturbé et on est totalement manipulé par une forme d'énergie inintelligente, qui est toujours l'astral. C'est une des formes de manipulation de l'astral. C'est de se servir du processus d'imagination pour faire croire à l'homme qu'il existe des choses qui sont illusoires, ou encore qu'il y a des pièges, des dangers, ou encore pour faire rêver l'homme, simplement le faire rêver. Et on va revenir sur les possibilités du contrôle de l'imagination par les formes d'énergie supramentale un peu plus tard. Si l'intellect se sert de l'imagination, donc du processus même de l'imagination qui est inhérent à l'astral, qui est inhérent à la psychologie de l'homme, l'imagination ne peut pas exister s'il n'y a pas de mémoire, de même que la pensée. La pensée, c'est très, très, très parallèle à l'imagination. La pensée, c'est l'imagination coordonnée par l'intellect. Et puis, le rêve, c'est l'imagination coordonnée par la psychologie astrale de l'homme. Et l'imagination contrôlée par le supramental, ça serait quoi? On va y revenir un peu plus tard. Bon. Par rapport à la mémoire planétaire, c'est de là que l'homme puise la plupart de ses motivations d'imagination. Y a-t-il des choses qui peuvent être imaginées, mais ayant source de mémoire extra-planétaire? L'imagination de l'homme se sert évidemment continuellement de sa mémoire génétique, c'est-à-dire sa mémoire personnelle, la mémoire qui lui a été donnée par son éducation, par son apprentissage, par ses expériences, par ses lectures. Bon, à partir de là, on a une imagination qui est typiquement limitée à la personnalité même du penseur, de l'imaginateur. Maintenant, si tu lis ou si tu écoutes une émission de télévision, tu as accès automatiquement à la mémoire du reste de la planète. Si tu fais, pendant tes rêves, certains voyages, voyage astro, c'est évident que tu vas avoir accès à l'astral, la forme astrale de la planète au complet, mais tu peux aller jouer sur plusieurs niveaux. Alors, ce qui fait que ton imagination va être liée au niveau dans lequel tu vibres habituellement. Alors, une personne qui est négative va normalement imaginer des choses qui vont être de plus en plus négatives. De là, on a inventé, à partir de l'imagination, on a essayé d'instaurer à l'intérieur même de la psychologie de l'homme un phénomène qu'on appelle la motivation ou le positivisme. Alors, au lieu de laisser l'astral, laisser la psychologie de l'homme imaginer des choses négatives pour lui, et l'homme accepte, l'homme qui imagine ces choses-là, il donne une importance, une véracité, l'homme accepte ça comme étant vrai, donc la personne périt psychologiquement de plus en plus. Alors, on a essayé d'instaurer en elle l'idée d'essayer de penser d'une façon inverse à sa nature, c'est-à-dire de penser positivement. Alors, de toujours voir la vie en rose. Ça, c'est une manipulation astrale. L'astral doit s'exprimer. L'astral existe seulement s'il s'exprime. Alors, ce qui fait que l'astral qui s'exprime d'une façon négative ou positive, ça n'a pas une grosse importance pour l'astral lui-même. Ça en a une pour les effets sur la psychologie de l'homme, pas pour l'astral lui-même. Que vous viviez réveillé ou endormi, l'important pour votre corps, c'est de vivre. Les mécanismes qui régissent le cœur, qui régissent fonction respiratoire ou toutes les glandes endocrines fonctionnent aussi bien pendant le sommeil que pendant le réveil. C'est pour la psychologie de l'homme qu'il existe une différence. L'astral doit s'exprimer, qu'il s'exprime d'une façon négative ou positive. Pour l'astral lui-même, ça n'a pas d'importance. Ça en a une seulement pour la perception qu'a l'homme de cet astral-là, puis l'homme en a une qui est très, très, très limitée, très fautive d'ailleurs, qui est une relation polaritaire avec l'astral, ce qui fait qu'en partant, l'homme ne peut pas arriver à le cerner en son entier. Si tu as une imagination qui est amenée par des formes qui sont psychologiques, donc qui sont astrales, mais des formes mémorielles d'une haute spiritualité astrale, l'homme va imaginer, c'est-à-dire que l'homme va croire à un moment donné, vivre des contacts, vivre des relations avec des êtres, des entités supérieures, des entités qui peuvent l'amener à l'aider. Maintenant, l'homme qui a besoin d'aide est un homme qui automatiquement va imaginer. L'homme qui a peur est un homme qui va imaginer. Si on regarde toujours les formes de manipulation par le processus de l'imagination, les formes de manipulation bassement astrale, c'est-à-dire d'astral inférieur, on a le mécanisme de la peur, le mécanisme de la crainte, le mécanisme de la jalousie, le mécanisme de l'orgueil, le mécanisme de la colère. Alors, si tu regardes simplement le phénomène de la peur même en ce qui concerne l'imagination, l'individu va percevoir par ses sens, premièrement, des stimuli qui vont être interprétés par son intellect ou par sa partie astrale. Et automatiquement, la partie astrale va faire une relation avec ses mémoires, ramenant à sa conscience les mémoires qui peuvent avoir un rapport, mais des fois qui en ont même aucun, avec les perceptions extracorporelles qu'a l'homme. Et le processus d'imagination va rentrer en fonction. Et plus l'individu va avoir peur, plus l'imagination va être libérée et plus le contrôle des formes astrales inférieures va en profiter justement. Alors la peur crée la peur dans l'imagination et l'imagination engendre la peur. Fait que c'est un processus qui est très difficile à arrêter. On a le même genre de réaction pour les personnes qui, par exemple, vont croire à un moment donné rencontrer Dieu ou rencontrer quelques maîtres spirituels particuliers. Les gens qui sont en amour. On a la même chose pour l'amour, effectivement, oui. Alors l'imagination, la perception sensorielle d'une réalité engendre à l'intérieur des mémoires différents mécanismes qui vont permettre au processus d'imagination d'entrer en fonction. Et puis l'individu ne fait plus aucune différence avec les perceptions extérieures et les perceptions imaginatives manipulées par l'astral, donc avec les perceptions intérieures. De là, un immense danger parce que l'individu non seulement ne vit plus dans le moment même de la réalité, l'individu ne vit que dans ses mémoires et l'individu y attache une importance. Ce qui fait que si dans sa mémoire il y a un conflit, l'individu croit vivre un conflit et automatiquement l'individu vit un conflit qui est seulement illusion. Qui est seulement entretenu par son imagination. Alors, automatiquement, l'imagination s'entretient d'elle-même. Tous les mécanismes psychologiques s'engendrent d'eux-mêmes et s'autogénèrent. Le penseur existe tant qu'il pense, et la pensée existe seulement s'il y a un penseur. Si le penseur ne pense pas, le penseur n'existe plus, parce que le penseur a pour fonction de penser. Alors, l'imagination existe, mais l'imagination engendre elle-même l'imagination. L'imagination est quand même liée aux mémoires, et continuellement à l'intérieur de l'homme, le mécanisme de l'imagination est en opération. Il n'est pas nécessairement amené à la conscience de l'homme, conscience très individuelle, conscience basse, parle pas de conscience supramentale, mais le mécanisme d'imagination est continuellement à l'intérieur de l'homme. Ce qui fait que de temps en temps, il y a des idées géniales qui vont vous surgir d'en face, et ces idées-là sont en macération depuis longtemps à l'intérieur de l'homme. Alors après une nuit de sommeil, par exemple, vous pouvez avoir certaines idées que vous aviez pas la veille. Alors simplement parce que le processus d'imagination est toujours enclenché. Certains placent ça dans le subconscient. C'est simplement dans le conscient inconscient de l'homme. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans nos mémoires est présentement dans un état inconscient parce qu'il n'est pas notre conscient. Si je vous parle d'une auto rouge, automatiquement, ce qui était subconscient devient conscient. Vous voyez l'auto rouge. Alors, le mécanisme de l'imagination est en perpétuel mouvement à l'intérieur de l'homme. Tant que l'homme va avoir des mémoires, tant que l'homme va avoir une pensée, l'imagination va être opérationnelle. Mais l'homme peut se libérer de la manipulation de l'imagination ou de la manipulation qu'a l'imagination sur lui par la prise de conscience de ce processus-là, premièrement, par la prise de conscience des dangers inhérents à l'imagination. Et automatiquement, l'homme va imaginer à partir de son intellect et non plus à partir de sa psychologie. Alors, au lieu de désirer des choses seulement en rapport avec un amené de sécurité, de confort, de biens matériels, de connaissances pour notre délectation intellectuelle, l'homme va s'efforcer d'imaginer des choses pour construire des outils qui vont lui permettre à lui, c'est-à-dire, vu que c'est l'intellect qui manipule, donc qui va permettre à l'intellect d'arriver à une plus grande manipulation encore sur sa forme psychologique ou sur sa forme émotive. Donc, la personne qui commence à atteindre un certain contrôle sur ses mémoires, son astral, son imagination, va quand même continuer à imaginer. Oui. Pour la simple raison que la pensée, le corps mental, vient des énergies folles de l'astral. L'astral, à un moment donné, avait des énergies qui pouvaient être contenues dans un véhicule. On peut appeler ça le corps astral. Mais au cours des temps, au cours des apprentissages, des expériences, l'astral s'est mis à vibrer de plus en plus rapidement. Et à un moment donné, les énergies astrales n'ont pu être contenues uniquement par le véhicule qu'on appelle le corps astral. Alors, ce qui fait que ces énergies-là ont commencé à rayonner. Et en rayonnant, ces énergies-là ont formé ce qu'on appelle le corps mental. Alors, ce qui fait que la pensée de l'homme qui est conservée à l'intérieur de notre intellect, de notre corps mental, vient de notre astral, vient de nos mémoires. C'est évident que l'homme ne peut pas arriver à penser sans mémoire. Vous communiquez, vous parlez parce que vous avez appris à parler. Vous pensez à un véhicule, à une auto, parce que vous avez appris ce qu'était un véhicule et une auto. Vous pensez à n'importe quoi, à une couleur, à un mot, à une forme, vous la dessinez. Tout ça vient de votre mémoire. Sans l'apprentissage ou sans la mémoire, donc sans l'astral, il n'y a pas de corps mental. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas penser. Alors, ce qui fait que l'imagination est liée, évidemment, à la mémoire. Et comme la pensée est liée à l'astral, mais la pensée est une chose qui est extrêmement différente de l'astral, même si elle est née de l'astral, de même que l'enfant est différent de ses parents, même si l'enfant est généré par ses parents. Alors, le corps mental, qui lui est logique, qui lui additionne et calcule d'une façon logique, sans être normalement, quand il est pur, sans être assujetti à ses émotions, c'est-à-dire à sa mère, à l'astral, automatiquement, l'imagination est contrôlé par l'intellect, et l'intellect n'a pas d'autre solution que d'imaginer. Ce qu'on appelle une réflexion, ce qu'on appelle une pensée, c'est une imagination qui est intelligente, dans le sens intellectuante. Fait que toute idée est bonne tant qu'elle n'est pas modifiée, corrompue par l'astral. Oui, une idée émotive n'est jamais une idée qui est bonne. C'est une idée qui peut être plaisante, mais c'est pas une idée qui peut être bonne. C'est-à-dire que c'est pas une idée qui est constructrice. C'est ça. C'est une idée qui a ses pièges. Et c'est surtout là, le point à porter attention. C'est qu'une idée, une imagination, une idée qui vient de l'astral a d'immenses pièges. Parce que, premièrement, l'imagination astrale n'étudie pas les résultats de ses idées. Elle a des idées qui, sur le moment, lui plaisent. Et puis, après un certain temps de vie de cette idée-là, même si elle l'a matérialisée, si elle l'a rendu tangible dans la matière, eh bien, il y a ce qu'on appelle, si les lois inhérentes à l'organisme humain, donc les lois inhérentes au cadre dans lequel il vit ne sont pas respectées, ben à un moment donné, on appelle ça le karma, mais il y a un retour qui peut se faire. Et l'idée astrale, l'idée émotive, l'idée psychologique peut susciter des formes de retour qui peuvent être assez souffrantes pour l'individu. Elle s'incruste. C'est quand une idée naît de la psychologie astrale, l'individu n'est pas maître de sa psychologie astrale, et une des formes d'expression de l'énergie astrale, à part l'imagination et l'émotivité, est la croyance. C'est-à-dire que l'être qui a une imagination qui est suscitée par l'énergie astrale croit à la véracité de ce qu'elle imagine. Alors c'est pour ça que une personne qui a un discernement assez avancé, un discernement assez raffiné, saura toujours discerner l'imagination psychologique, l'imagination astrale, de l'imagination intellectuelle, donc l'imagination dangereuse de celle qui peut être sécuritaire. Oui, on a l'imagination, par exemple, qu'on pourrait parler de l'imagination des enfants, Daniel. Les enfants n'ont pas le bagage des parents comme tels, mais ils peuvent arriver à imaginer des foules de choses. Leur compagnon invisible, par exemple, est-ce que c'est de l'imagination? Tu parles des fées ou des... Les petits lutins, les compagnons invisibles. Il y a une parcelle de cette vision infantile qui peut être causée par l'imagination, oui. Il y a par contre aussi une parcelle de ces choses-là qui sont d'une perception extrasensorielle. C'est surtout l'imagination va jouer le rôle plus souvent à l'intérieur des parents. Quand l'enfant va leur dire qu'ils ont de nouveaux amis qui sont invisibles, qui ont vu des lutins, des farfadets, des gnomes, des fées, c'est surtout au niveau des parents que l'imagination va jouer. C'est évident que l'enfant est un être humain, moins dénaturé à ses débuts que l'adulte, mais l'enfant en reste quand même, il reste quand même que c'est un être humain. Alors, ce qui fait que l'enfant elle va acquérir expérience sur expérience, l'expérience de son jouet, de son tracteur en plastique ou de sa poupée. Alors, ce qui fait que l'enfant, même si l'enfant a des perceptions extrasensorielles dites surnaturelles, l'enfant, à partir de ces perceptions-là, qui sont de toute façon de même nature que les perceptions que nous, on calcule comme étant naturelles, parce qu'on parle de nos sens, à partir de ces perceptions-là, l'enfant va aussi s'imaginer un monde avec lequel il va pouvoir jouer, comme quand tu lui donnes un tracteur ou tu donnes une poupée à une petite fille, ben, évidemment, elle s'imagine un monde. Un monde qui va être la copie de ce qu'elle va avoir vu. Alors donc, un monde qu'elle adapte. Ben, c'est l'imagination. L'imagination infantile, dans sa nature propre, est normalement de polarité positive. Donc, normalement, l'imagination d'un enfant est rarement dangereuse pour l'enfant. Mais l'imagination de ce monde-là ne tient pas pour l'enfant, en tout cas, de choses qu'ils ont vues. Ils n'ont pas assez d'expérience. Oui, il y a des perceptions extrasensorielles. Ils voient et ils vont rencontrer effectivement des esprits ou encore des lutins qui sont simplement des parcelles physiques d'un autre ordre que le nôtre. Et à partir de ces perceptions-là qui sont réelles, l'enfant va s'imaginer un monde. Ça veut dire, ça veut pas dire que l'enfant va revoir continuellement les lutins ou va revoir continuellement ces choses-là. Mais l'enfant va quand même s'amuser. L'enfant s'imagine un monde. C'est exactement comme la petite fille qui s'imagine à être le professeur d'école. Hein? On voit ça souvent. Alors, elle va être aussi sévère que son professeur d'école. Même s'il n'y a pas d'élève, elle va l'en punir. Alors, elle a quand même vu quelque chose qui était réel, que ce soit une perception, ce que nous on appelle naturelle ou extrasensorielle. À partir de là, l'enfant va quand même imaginer. Donc, parfois, l'enfant va avoir eu une vision et il va l'entretenir imaginativement après. Oui, parce que ça plaît à sa psychologie infantile de continuer à jouer là-dedans. L'enfant est déjà assujetti au désir de continuité de son expérience. L'enfant vit une expérience. Si l'expérience lui amène des stimuli qui, pour lui, sont catalogués dans le tiroir plaisant, alors l'enfant joue avec des farfadets, des lutins, ou l'enfant joue avec n'importe quoi, puis l'enfant aime ça, l'enfant va automatiquement y attacher un désir de continuité. C'est-à-dire que l'enfant va vouloir que dans le temps se continue l'expérience qu'il aime ou qu'il a aimé. Et cela automatiquement, ben, l'imagination va entrer en fonction pour pouvoir continuer justement d'émettre ces stimuli-là. C'est-à-dire que l'enfant, comme l'adulte, au lieu de recevoir les stimuli de l'extérieur qui lui font plaisir, si ceux-là lui font défaut, ben, il va aller fouiller dans sa mémoire, puis il va aller ramasser les stimuli intérieurs qui vont lui amener les mêmes plaisirs. Et si on abordait maintenant la publicité, les bourrages de crâne qu'on fait, par exemple, aux enfants ou aux adultes, parce que c'est pas nécessairement des idées qui leur viennent tout seul. L'histoire de qu'un fusil en plastique peut être plaisant, je pense pas que c'est naturellement plaisant à un enfant de s'amuser avec des jouets de guerre puis imaginer que ça peut être plaisant. On lui impose une idée, et après ça, ben là, il va jouer à la guerre. Il va imaginer la guerre, il va faire toutes sortes de choses. Mais à la base, c'était pas plaisant comme idée. Mais on la rend plaisante, puis après ça, lui, l'entretient. Oui, c'est parce que les personnes qui s'occupent de la publicité connaissent évidemment la psychologie de l'homme. Ils ne la connaissent pas d'une façon ésotérique ou d'une façon réelle, une façon, ils parlent pas de l'astral. Ils parlent simplement de défauts dans la cuirasse de la psychologie et les publicistes vont essayer de s'en servir. Ils connaissent la manipulation. Ah, énormément. Mais bien souvent, ce monde-là sont eux-mêmes manipulés, ils s'en rendent pas compte. Ils connaissent simplement la psychologie de la masse, mais ils connaissent rarement la psychologie de l'individu. Alors, ce qui fait simplement qu'une publicité s'adresse souvent à une masse, c'est-à-dire que, au niveau, par exemple, prenons l'exemple de ton enfant avec son fusil en plastique. Pour que le fusil se vende, il faut premièrement qu'il y ait eu des émissions de télévision, des films, qui aient amené justement dans la connaissance de l'enfant l'utilité d'une arme à feu. Et qui la mettait en valeur. Et qui mettait justement... c'est surtout non seulement la valeur apportée à l'arme, mais la valeur apportée à l'individu qui se sert de l'arme qui est important. Si tu regardes les films, il y a plusieurs différents films qui ont été faits, et puis l'homme qui possède l'arme est symbole de justice, symbole de paix, symbole de droit, symbole de libération ou symbole de puissance. Alors évidemment, l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est une éducation de compétition. Puis pour gagner, c'est-à-dire pour que la compétition ait une certaine valeur, il faut évidemment qu'il y en a qui veulent gagner. Et puis pour gagner, ben gagner, c'est quand même synonyme de puissance. Alors ce qui fait que le fait d'avoir une arme qui ressemble à telle émission ou encore une arme à feu tout court, ben ça amène une certaine puissance à l'intérieur de l'enfant. et même à l'intérieur de l'homme, le même à la chasse, pas pour rien non plus. Alors, ce qui fait que l'imagination est suscitée toujours par l'expérience qu'il peut y avoir dans la mémoire de l'individu, que l'individu soit un enfant ou que l'individu soit un adulte. Maintenant, plus tu as de mémoire ou d'expérience accumulée ou de connaissances accumulées, plus grande va être ton imagination et plus dangereuse. À quel moment un individu peut décider de se contenter et d'imaginer quelque chose que de le réaliser? Bon, quand l'individu... C'est des bonnes questions, ça. Un individu qui ne fait qu'imaginer, mais qui est toujours dans son sous-sol à rien faire, et puis qui est sur l'assistance sociale, par exemple, quand l'individu pourrait être millionnaire. Un individu qui est chanteur, mais qui ne chante pas, qui compose des chansons et des musiques, et tout ça s'accumule dans le fin fond de sa cave, puis il n'y a rien qui se passe avec. Les écrivains sont souvent pareils. Alors, ce qui arrive, c'est que notre individu n'a pas la conscience qu'il peut accorder une importance créative à son espoir imaginatif. C'est-à-dire que l'individu, comme n'importe quel individu, va rechercher toujours le feeling, va rechercher l'émotion, va rechercher la stimulation qui lui amène certaines joies. Alors, tu as des individus qui, eux autres, en laissant couler l'énergie de la création, l'énergie créatrice à l'intérieur d'eux, vont vivre une expérience qu'ils veulent continuer. Ces individus-là vont donc s'efforcer de matérialiser leur conception. Il y a d'autres individus qui, eux autres, vont imaginer quelque chose, vont s'arrêter sur ce qu'ils viennent de créer en pensée et vont triper là-dessus. Se contenter de... Oui, le phénomène, la stimulation qu'ils recherchent, là, ils ont l'impression qu'ils l'ont trouvé, là, puis là, ils vont s'asseoir, ils vont boire, ils vont fêter d'avoir eu cette idée-là, ils vont la ressasser continuellement, ils vont la rêver continuellement, ils vont la fignoler. C'est là va s'arrêter le phénomène énergétique pour la simple raison que l'individu recherche une continuité seulement à l'intérieur de ce qu'il vient d'imaginer, donc de son rêve. L'individu ne cherche pas à le matérialiser. Donc, il garde cette énergie-là au niveau de l'inconcret. C'est-à-dire qu'il abrime l'énergie, c'est ça. C'est-à-dire que tout reste au niveau de l'énergie de l'imagination, mais l'énergie créatrice ne peut pas passer à l'intérieur pour venir opérer un changement dans la matière, ou c'est-à-dire pour venir matérialiser son idée. Mais ce mécanisme comme tel qui fait que qu'on décide de rêver ou de réaliser, il y a des gens qui vont naturellement simplement avoir l'idée, puis ça va passer en des gestes, puis l'autre, c'est des idées, ça devient des rêves, puis ça devient des fantasmes, ça devient des mythes. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là? C'est simplement auquel de tous les stimuli qui sont engendrés par soit l'imagination, soit la matérialisation, lequel de ces stimuli-là qui t'apporte à toi la béatitude que toi tu calcules comme étant... que tu le saches consciemment ou non, c'est ce stimuli-là que tu recherches. Quand je parle par exemple de l'amour, la personne qui aime des fleurs recherche pas... Ce qu'elle aime, c'est pas la fleur. Ce qu'elle aime, c'est simplement l'impression qu'opère la vision de la fleur sur elle-même. Autrement dit, ce qu'elle recherche, c'est le feeling qu'elle a quand elle voit une fleur. Alors, ce qui fait que la fleur, ben, c'est pas la fleur qu'elle aime. La preuve, elle va la couper, elle va la tuer, elle va la mettre dans un pot à fleurs sur sa table. Ce qu'elle aime, c'est le stimuli qui est créé, qui est généré par la vision de la fleur. Ce qui fait qu'une belle photo, une belle tapisserie de nature, par exemple, une belle photo de la nature, va opérer à peu près le même genre de stimuli à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu recherches, ce que t'aimes, c'est le feeling que tu vis quand tu regardes la fleur. Maintenant, tu peux aussi aimer le feeling que tu vis quand tu imagines la fleur. Et quand toi, de par ton expérience, as passé plus de parcelles de ta vie à imaginer, qu'à créer, parce que soit tu n'avais pas les outils adéquats pour créer ton imagination, pour la matérialiser, à la longue, tu finis par vivre que de rêves, que d'imagination. Alors, ce qui fait que si le feeling que tu as en imaginant quelque chose est pour toi suffisant, et de peur de perdre ce feeling-là en matérialisant l'idée que tu as imaginée, ben, si tu as peur de la matérialiser, de peur de perdre le feeling, tu vas continuer à grossir ton rêve, à nourrir ton rêve, donc automatiquement à nourrir ton astral, puis à nourrir l'astral de la planète. Alors, tu as des individus qui vont se lancer, qui ont un but dans leur vie. obtenir telle chose, faire un voyage, avoir une grosse compagnie, avoir une famille, bon, n'importe quoi, un grand but qui va motiver leurs efforts d'énergie créatrice, c'est-à-dire que l'individu, à partir de l'imagination de ce but-là, va permettre à l'énergie créatrice de venir lentement, pas trop vite, matérialiser le but. Mais l'individu arrive à une déception habituellement assez grandiose quand le but est atteint. Parce que le but étant atteint, le but n'est plus un but. Il devient un fait et rapidement, il devient une chose passée. Alors l'individu n'a plus de raison de vivre. L'individu se rend compte que son but n'est pas comme il pensait parce que le but n'est plus un but. Alors ce qui fait que l'individu, de peur de perdre justement tous les feelings qu'il a dans son rêve, dans la recherche de ce but, va non seulement retarder l'éclosion du but, mais certains individus vont simplement le garder en imagination, dans leur pensée, et n'auront jamais l'intention de le mettre en pratique. Ça serait à cause que le but réel de l'individu était la quête de son but et non pas la réalisation de son but. Exactement. Le feeling que tu as en rêvant, c'est ça que tu recherches, et non pas le feeling que tu vas avoir en le vivant, le but. Alors, tant que tu peux rêver à ton but, tant que tu peux mettre des énergies pour y aller, c'est superbe. La personne qui ne vit que pour libérer un pays d'un despote vit tant qu'il y a le despote. Mais elle devrait remercier le despote parce que c'est grâce au despote qu'elle a une raison d'être. Mais à la journée même où elle vient de tuer le despote, qu'il renverse ce gouvernement-là et que les autres même s'instaurent, mais combien en a un mot à 10 paquets dans tous ceux qui ont lutté contre le despote qui vont devenir quoi? Des alcooliques, des drogués, des suicidés, des bandits, qui vont même vouloir renverser le nouveau gouvernement qu'ils viennent même d'instaurer 10 ou 15 ans après, parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre. Alors, c'est évident que le feeling que tu as dans la recherche d'un but, donc le feeling que tu as en imaginant le but, est souvent plus important pour l'individu que le vécu même de ce but-là. Alors, c'est pourquoi tu vas avoir de grands rêveurs qui ne font rien. Y a-t-il, je retourne ma question, des gens qui n'ont d'autres raisons d'être, enfin pas nécessairement d'autres raisons d'être, mais que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est leur imaginer. Fonction est d'imaginer. Leur fonction est d'imaginer. Non. Par contre, un être intelligent peut se servir de ces imaginateurs-là. Il n'y a personne ici qui est sur la Terre avec la fonction, c'est-à-dire avec la mission d'imaginer. Non. Par contre, des êtres intelligents, des humains intellectuels, vont être capables de se servir de ces êtres-là, exploiter leur talent d'imagination de façon à concrétiser certaines de ces idées-là dans la matière. Les grosses compagnies. Ah, les grosses compagnies, effectivement. C'est ceux-là qui sont riches. Oui. Y a-t-il des gens qui ne sont pas capables ou qui ont une très mauvaise capacité à se servir de leur imagination? Oui, à se servir, oui, pas à imaginer. Quand on dit se servir de l'imagination, ça veut dire tout de suite que c'est l'intellect qui prend le dessus et c'est l'intellect qui se sert de la possibilité imaginative de la mémoire. Alors, on appelle ça réfléchir intelligemment, donc intellectuel, d'une façon intellectuelle. Alors, si tu as des individus qui ne seront pas capables de se servir de leur imagination pour pouvoir amener l'énergie créatrice à circuler en eux, donc, ils sont pas capables d'inventer ou de créer quelque chose, aussi petite soit la chose, parce que eux autres vont être continuellement manipulés par la forme imaginative, astrale ou psychologique de leur propre psychologie. Alors, ce qui fait que l'individu ne sera pas capable d'imaginer comment se sortir d'un pétrin parce qu'il est trop occupé à imaginer tout le pétrin. Alors, au lieu d'être intelligent, intellectuellement, l'imagination, elle est astrale. Mais encore là, l'individu qui imagine le pétrin ou qui se met à se dire « Bon, ben là, je vais manquer mon autobus, puis telle chose va se passer, mon patron va me chicaner, je vais me faire congédier. » Elle imagine quand même. Mais je parle de personnes qui n'imaginent pas. Non, il y en a pas. Qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas de musique, qui n'ont pas de contact avec l'imaginaire. Bon, ces individus-là, il y en a pas. Il va en avoir. L'individu qui est complètement libéré de son imagination, c'est un individu qui est complètement libéré de sa mémoire, c'est un individu qui est complètement libéré de sa psychologie, c'est un individu qui est en contact avec des énergies différentes. L'homme ne peut pas se libérer de sa connaissance mémorielle s'il n'a pas un savoir instantané. Jamais, jamais la psychologie de l'astral va permettre ça. Alors, ce qui fait qu'un individu qui n'a pas d'imagination est un individu qui reçoit directement des énergies, énergies créatrices ou des énergies d'un mental intelligent, des énergies tirées d'une intelligence active et non pas passive comme l'intellect. Ces êtres-là sont capables de se passer d'imagination parce qu'ils n'en ont pas de besoin. Ils sont l'imagination au sens pur du mot, mais il n'y a pas d'imagination en eux. Autrement dit, ils vont matérialiser dans la forme, dans la matière, des choses instantanément selon l'événement qui se présente à eux et selon le besoin réel, non déterminé par eux autres-mêmes, qu'ils ont. Ces gens-là imaginent la réalité et la concrétisent instantanément. Oui, c'est pas tout à fait un processus d'imagination, c'est un processus de création. C'est un processus d'adaptation, c'est un processus de vie. Est-ce qu'il y a différentes façons de vivre son imagination? Il y en a qui vont imaginer beaucoup plus visuellement, auditivement. Tout dépend du réceptacle cérébral. Même tactile. Oui. Tout dépend du réceptacle cérébral. Tout dépend du cerveau. Tout dépend du schéma de neurones, de l'agencement de neurones. On pourrait parler des auditifs et des visuels? Ouais, on pourrait en parler, là, mais ça peut ressembler à ça, effectivement. Tu as des individus qui vont être plus aptes à capter des formes qui vont être visuelles, d'autres des formes qui vont être auditives. Encore d'autres des formes olfactives, d'autres des formes gustatives, d'autres des formes tactiles. Mais en ce qui concerne la prise de la perception des stimuli internes, donc des stimuli qui viennent de l'astral, qui sont imaginatifs, qui viennent de la psychologie intrinsèque de l'homme, tu peux entendre des cloches, tu peux entendre des oiseaux, tu peux ne pas les voir. Tu peux voir les oiseaux, ne pas les entendre chanter. Tu peux le voir en noir et blanc, tu peux le voir en couleur, tu peux changer les couleurs. Mais tout ça, c'est simplement lié à la conception même du cerveau et des tentacules de l'astral, c'est-à-dire les sens. Alors, si tu as un cerveau qui, normalement, a une parcelle d'interprétation du langage visuel plus développée que l'interprétation du langage auditif ou gustatif, bien évidemment, tu es un visuel dans le sens de la psychologie moderne. Est-ce que ces différentes façons de se manifester ont des valeurs différentes? C'est-à-dire que est-ce que un événement imaginaire visuel appuyé par le son, appuyé par tous les autres sens, a-t-elle plus de valeur dans la réalisation de cet événement imaginaire que simplement un bruit ou une sensation ou Ben, ça, tout dépend de l'individu. C'est bien évident que si une personne qui a une hallucination, si l'hallucination est vérifié, si on peut dire, par les sons, par une perception sonore, une perception olfactive, une perception visuelle, c'est évident que l'hallucination, donc que cette imagination-là peut prendre une importance catastrophique ou une importance bénéfique, tout dépendant évidemment de l'ordre de l'imagination, un astral spirituel ou un astral bas, matériel. Mais normalement, seulement des bruits, tu peux toujours avoir l'impression d'entendre au niveau de ta tête. C'est suffisant, t'as pas besoin d'avoir l'appui de toutes les autres perceptions pour en arriver à avoir une imagination qui va te manipuler. Maintenant, est-ce que ces personnes-là vont avoir plus de facilité à concrétiser leur imagination? Non. L'important, simplement, c'est l'épaisseur, si on peut dire, ou la grandeur du canal qui permet à l'énergie créatrice de venir se matérialiser. Ça, c'est simplement ça qui donne l'importance, et non pas la forme d'imagination, mais la libération que l'imagination permet à l'énergie créatrice. Alors, c'est pas que moi, je m'imagine une maison et que j'entende tout ça. Si on appelle ça une projection, c'est quand même différent. On établit une énergie en avant de nous, les projections, on va y revenir de toute façon à un moment donné dans une conférence spéciale là-dessus. Mais la personne qui imagine d'une façon extrêmement concrète, la personne qui imagine d'une manière ahurissante, par exemple, tu es sur une île déserte et puis à un moment donné, tu entends les vagues, tu sens Tu perçois le vent frais. Tu es de plus en plus sur ton île. On se rapproche du voyage astral, de l'imagination, qui commence à devenir concrète dans le domaine de l'imagination, dans le domaine de l'astral. Ce phénomène-là avec, possiblement qu'on va y revenir à un moment donné. Présentement, je me contente de donner des cours sur, d'amener un public dans l'astral pour aller visiter différents plans. Mais on y reviendra en conférence à un moment donné. Ces personnes-là qui ont une grande capacité d'imagination à tous les points de vue sensoriels, peuvent en venir à avoir des manifestations corporelles. C'est-à-dire que la personne qui imagine comme faut des fraises et qui est allergique aux fraises peut en venir même à avoir des boutons ou des réactions physiques. L'inharmonie créée au niveau de l'astral par n'importe quelle perception, que ce soit une perception née de l'astral, une perception née de l'extérieur, n'importe quelle inharmonie, c'est-à-dire n'importe quelle perturbation vibratoire, va entraîner à la longue, ou encore si le canal est déjà fait, instantanément, une inharmonie vibratoire à l'intérieur du corps vital de l'homme qui va entraîner à la longue, ou encore, si le canal est déjà fait, instantanément, une inharmonie vibratoire au niveau du corps physique de l'homme. Alors, c'est une psychogénèse, tu as des maladies qui sont générées par la psychologie, donc par l'astral. Alors, c'est évident que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une force imaginatrice énorme pour créer la chair de poule, seulement de dire à une personne qu'on va prendre une fourchette, qu'on va la frotter sur une assiette en porcelaine. Alors, même si la personne n'a pas d'imagination extraordinaire, si déjà, de par son vécu, elle a cette réaction-là, une réaction incoordonnée, incontrôlée, ben automatiquement, juste le fait de lui dire par réflexe, c'est-à-dire que le canal est complètement fait, ça devient même un réflexe psychologique. Par réflexe, la psychologie va tout de suite susciter la réaction physique. Ça, c'est mémoriel ou l'imagination? Ça, c'est de l'imagination qui a lentement bâti un canal. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est de susciter dans ta psychologie le désordre. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas, tu y tiens, tu ne veux pas réentendre ça, tu n'aimes pas ça. Alors, le fait d'en parler, automatiquement, tu as tout de suite la réaction de défense de ta psychologie. Et vu que la psychologie se défend, que ton astral se défend, ben tout le reste on pourrait dire, là, c'est un phénomène qui est vibratoire, qui est entraîné vibratoirement, mais on pourrait dire que tout le reste, le vital et le corps, le matériel de l'homme, voyant la psychologie se défendre contre tel agresseur, s'imagine automatiquement que l'agresseur est là. Et automatiquement, les réactions physiques apparaissent. Mais c'est simplement un désordre. Tu crées un remous dans l'astral qui va entraîner un remous dans le vital, qui va entraîner un remous dans le physique. Et plus cette habitude-là, parce que le corps physique est quand même un corps mémoriel. C'est une mémoire, le physique. C'est pour ça qu'il garde sa forme. Bon, alors automatiquement, plus le canal est fait, mémoriellement parlant, le corps vital, le corps physique et le corps astral connaissent ces perturbations énergétiques-là. Ce qui fait que tu n'as rien qu'à dire à un individu que tu as de l'herbe à puce avec toi, puis à un moment donné, ça peut déclencher une réaction. Ou encore, fais attention, j'ai un chat dans ma maison. Automatiquement, ça peut déclencher une réaction allergique, même s'il n'y a jamais eu de chat dans la maison. Mais là, on parle de choses que l'individu a connaissance, que c'est déjà ancré dans la psychologie, et que ça peut amener un système réflexe. Il y a, à ma connaissance, des gens qui ont eu des effets, pourtant ça ne faisait pas partie du tout de leur croyance. On va parler, par exemple, de gens impies ou des gens athées qui ont manifesté des stigmates. Oui, à ce moment-là, l'imagination et la réalisation. Comment tu pourrais expliquer ça? Pour la simple raison que là, on sort du cadre de l'imagination de l'astral individuel pour tomber dans le cadre de l'astral planétaire. Alors, ce qui fait que la mémoire planétaire a une certaine forme de vibration, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'astral planétaire. Et si un individu, de par son vécu, arrive à être en concordance d'une façon plus ou moins suspecte avec un niveau d'astral, bien évidemment, il peut y avoir une réaction de l'imagination, si on peut dire de la planète, l'imagination de milliers d'individus qui l'ont eu, cette imagination-là. Et l'individu peut automatiquement avoir des réactions qui ne sont pas liées à son astral psychologique personnel, mais liées à l'astral psychologique de la planète. Automatiquement, l'individu va avoir des réactions. Même chose que si, à un moment donné, tu as quelqu'un qui est possédé ou tu as quelqu'un qui a une apparition Alors, l'apparition est apparue parce que, premièrement, elle avait un individu typique, un individu clé pour pouvoir la voir. Elle peut même avoir plusieurs individus en même temps. Mais ces individus-là, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ce ne sont pas eux qui vont imaginer ça, mais leur vibration astrale, leur vibration d'imagination, est apte à recevoir l'énergie mémorielle de la planète, ce qui fait qu'automatiquement, se servant de ces êtres-là comme canal, ils vont avoir une apparition. Est-ce que c'est simplement une coïncidence? Non. C'est une manipulation des forces astrales planétaires qui se servent des individus qui peuvent être en concordance avec leur désir à eux autres. Désir, je parle à eux autres, des forces astrales planétaires pour pouvoir venir s'amuser. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à susciter des émotions, donc à nourrir, à les nourrir eux-mêmes, à nourrir l'astral. Mais ces forces astrales-là doivent manipuler cet individu-là à passer par certains lieux qui sont chargés de cette mémoire-là. Ils doivent le manipuler à être manipulable. Ah, c'est évident. C'est évident. C'est pour ça que la majorité des individus qui n'ont pas d'intellect très développé sont de plus en plus ou de plus facilement manipulables. Alors, tu vas avoir des apparitions, on parlait d'apparitions, dans des régions de la Terre où l'intellect n'est pas extraordinairement développé. Donc, dans les pays sous-développés, pour la majorité des apparitions. Tu verras pas une apparition sur l'île de Montréal ou encore à Londres ou à New York. Tu vas avoir des apparitions dans des régions justement qui ne sont pas développées intellectuellement. Comme on a ici, c'est dans des pays qui ne seront pas industrialisés. Premièrement, c'est utile à ces populaces-là. Et puis, deuxièmement, ben, la manipulation est beaucoup plus facile avec des masses qui sont très près de la psychologie ou de l'astral de la planète et qui n'ont pas une forme mentale très développée, qui analyserait, qui jugerait trop ce qui se passerait. Alors, automatiquement, ben, les forces astrales vont se servir des formes non développées d'intelligence, là, de mental, pour pouvoir se faire leur manifestation. Daniel, peux-tu nous parler en quoi consiste, comme on a vu depuis le début de la cassette, tout ce qui comporte l'imagination de l'homme, mais tu viens de nous parler de l'imagination de la planète. Peux-tu nous en parler plus en profondeur? L'imagination de la planète. Bon, c'est le même phénomène que l'imagination de l'homme. La mémoire de l'homme enregistre tout ce que l'homme vit comme expérience. Maintenant, la mémoire de la planète, puis c'est les mêmes phénomènes qu'au niveau de l'homme. La mémoire de la planète enregistre toutes les expériences de la planète. Et chaque fois qu'un individu parle, comme présentement on parle, tout ça est enregistré dans la mémoire de l'astral. Ce qui fait qu'un individu, lors d'une connexion astrale, lors d'un voyage astral, même s'il n'a pas les connaissances de la même hauteur que ce qu'on parle aujourd'hui, ben, peut y avoir accès au niveau de l'astral et à un moment donné, peut même être manipulé par l'astral pour commencer à parler de la même manière. Et l'individu va penser être en connexion justement avec des énergies intelligentes. Mais en réalité, il est en connexion avec une énergie inintelligente mémorielle. Alors, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait dans l'humanité est enregistré dans la mémoire de l'humanité. Donc, dans la mémoire de la planète. Et là, je parle de cataclysme, je parle de toutes les fois qu'une plante pousse, c'est enregistré dans la mémoire, toutes les fois qu'une roche dégringole une montagne, toutes les fois qu'un cours d'eau, qu'une goutte d'eau tombe, c'est enregistré dans la mémoire de la planète. Alors, cette mémoire-là, qui connaît, qui a enregistré tout depuis les débuts même de la planète, bien avant qu'on parle de l'homme, est devenu un individu émotif, un individu psychologique, un individu astral. Au même titre que l'individu de l'homme, sauf que évidemment sa mémoire est drôlement plus ample que celle de l'homme, et l'imagination qui peut en être est d'autant plus grande. L'astral même de la planète a une intelligence similaire à l'astral de la personne, à l'astral de la psychologie de la personne, de la psychologie de l'homme, une intelligence mineure, une intelligence, j'appelle ça intelligence, mais c'est pas intelligent. Par contre, c'est capable de faire, d'avoir des désirs, c'est capable de percevoir des besoins, c'est capable d'élaborer certains plans pour pouvoir satisfaire ses désirs. Alors, ce qui fait que ces formes astrales-là savent, se nourrissent de l'énergie astrale émise par les individus, minéral, animal, végétal, évidemment. Et les humains. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que ces énergies-là vont donc essayer de manipuler l'homme, l'homme de masse ou l'homme individuel, qui est en accord avec leurs propres les énergies de la planète, pour pouvoir grâce à cet homme-là, susciter d'autres énergies pour continuer à nourrir l'astral de la planète. Disons que pour l'instant, c'est bien. Donc, les astros et humains et planétaires vont se servir l'un de l'autre pour s'entretenir. Automatiquement, oui. De toute façon, l'astral humain est lié, intimement lié à l'astral de la planète. Et vice-versa. Ben oui, automatiquement. L'homme concrétise des choses. Va construire, va faire des actions. La Terre aussi. Il va y avoir des pluies, des vents, des tremblements de terre, toutes sortes de niveaux de manifestation. Mais comment la Terre manifeste-t-elle son imagination? La Terre va manifester son imagination par le nombre d'individus, la sorte d'individus, par le déboulement du code génétique des animaux, des plantes et des humains. C'est une imagination très créatrice de la Terre. Mais on pourrait dire aussi que la Terre manifeste son imagination par la forme des nuages, par le nombre de courants des vents, par la rapidité d'une rivière, par la couleur de ses sables, par tout ce qu'il y a sur la Terre. Ça, c'est des réalisations, ça. Oui, c'est de la matière. C'est quelque chose qui se voit. Je parle de l'imagination, là. Ah, donc, rêve. Comment la Terre rêve-t-elle? Premièrement, la Terre, le plan d'évolution de la Terre est lié au plan d'évolution de l'homme, c'est-à-dire que c'est même plutôt l'inverse. Le plan d'évolution de l'homme est lié au plan d'évolution de la planète Terre. La planète Terre, c'est un individu qui a les mêmes phénomènes au niveau de ses différents corps que l'homme. Elle a un corps matériel, un corps vital, elle a un corps astral, elle a un corps mental à ses débuts. Et l'évolution maximum de l'humanité est égale à l'évolution maximum de l'être le plus évolué sur la planète Terre. Il en est de même pour l'évolution maximum de l'humanité, ce qui fait que là, on pourrait dire que la moyenne d'évolution de l'humanité est égale à l'évolution même de la planète Terre. La planète Terre imagine des choses tellement vastes que la psychologie de l'homme pourrait même pas arriver à les englober. Alors, ce qui fait qu'en parler, ce serait simplement perturber ou perdre le temps des auditeurs ou perdre notre temps nous-mêmes. Chose qui est sûre, c'est que ce qui est imaginé par la planète est sage tant que ça, c'est manipulé par l'intelligence qui aide à la procréation de tous les organismes vivants à la surface de la planète. On peut appeler ça la nature. Mais c'est très nuisible quand c'est d'autres choses. Et ces autres choses-là, ben, on les connaît sous certaines formes. On les connaît sous les formes de l'astral négatif. On les connaît sous les formes de Satan, du diable, des possessions, de la violence. Toute la partie noire, la partie sombre de notre psychologie, ben, c'est la même chose en ce qui concerne la psychologie de l'homme, mais des trilliards de millions de fois plus vastes. Mais quand on dit vaste, est-ce que c'est à cause que simplement c'est la somme des astros humains ou bien vaste dans le sens que c'est différent et non assimilable par l'humain? C'est pas assimilable par l'humain pour la simple raison que l'homme a déjà de la misère à voir toutes les possibilités de son imagination. Alors si tu additionnes des milliards d'individus à travers des milliers d'années, alors ça te crée une somme des milliers même, parlons de millions d'années. Alors, ça crée une somme, ça crée une espèce de bloc de mémoire qui est sans rapport avec le bloc minuscule lié à l'homme. Alors, ce qui fait que l'imagination de la planète, en parler, ce serait premièrement trop vaste. On va de toute façon y revenir. Je dis souvent qu'on va revenir sur des choses, mais pour la simple raison que il faut décortiquer d'une façon plus intelligente chaque chose en son temps. Que d'en parler toutes mélangées ensemble d'une façon très intelligente, très intellectuelle, très utile pour en parler dans un salon. Oui, c'est très bien, Daniel. Ça fait que là, c'est fini pour ce soir. On va pouvoir revenir sur toutes ces informations. If you may find him, there, on a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, And the one God will make for your day. Singing is a song in search of a voice that is silent. And the sun God will make for